Les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique. Il faut être dans l'arène, comme les taureaux. Un écrivain cubain a besoin de Cuba, de vivre à Cuba. Cuba sur lequel tout le monde sait ou croit savoir quelque chose. Cuba qui a une relation disproportionnée avec l'histoire. C'était le 24 juin 2017, en direct de Toulouse, dans le cadre du festival Le Marathon des mots. Christophe Onodibio présentait Le Temps des écrivains. Le Temps des écrivains, une émission proposée par Christophe Onodibio. Bonjour, il est 17h et c'est Le Temps des écrivains, le magazine littéraire de France Culture. Aujourd'hui, une émission spéciale en direct du Marathon des mots à Toulouse, dédié cette année à la littérature de l'Amérique latine, l'occasion pour nous de recevoir l'un de ces ténors, un Cubain, le Cubain. Il vit d'ailleurs toujours à Cuba. Il a commencé comme journaliste avant de devenir le vengeur des petits et des faibles à travers son personnage de Mario Conde, lieutenant enquêteur reconverti dans le commerce de livres anciens et pas ennemi de l'alcool fort, avant de devenir aussi l'auteur du célèbre L'homme qui aimait les chiens, grand roman qui met en scène Trotsky et son assassin Ramon Mercader, grand roman sur le mensonge idéologique, la grande utopie révolutionnaire du XXe siècle et ses conséquences sur la vue, sur la vie, pardon, des individus, en particulier à Cuba. Bonsoir, Leonardo Padura. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Voilà, et j'en profite pour saluer Elena Zayas, qui est votre traductrice. Bonjour, Elena. Bonjour. Voilà, et qui va vous interpréter durant ce temps des écrivains. Alors, première question, Toulouse, ce marathon, qu'est-ce que te parece? Bueno, no he tenido la posibilidad de ir a ver a otros escritores porque me han tenido trabajando mucho desde que llegué. Je n'ai pas pu aller écouter d'autres écrivains parce qu'on m'a fait beaucoup travailler depuis que je suis arrivée. Oui, c'est ça. Et ça va continuer. Pero en todos los lugares que he estado ha habido sala llena como hay esta tarde aquí, así que creo que este festival es un éxito. Mais dans tous les lieux où on m'a invité, il y a eu énormément de public comme cet après-midi et je pense donc que ce festival est un grand succès. Cuando un festival de literatura que trae escritores y presenta escritores, consigue llenar los escenarios, es un éxito seguro. Quand un festival réussit à remplir comme ça les scènes et les salles, pardon, eh bien c'est toujours un succès assuré. Parfait donc. Alors on y va, Leonardo Padura. Vous êtes né à La Havane en 1955, vous êtes considéré comme le maître du roman noir cubain, vous avez reçu prix national de littérature à Cuba en 2012, plusieurs prix hein, aussi, j'en cite un autre, le prix Princesse des Asturies en 2015. Vous êtes l'auteur de plusieurs livres, alors il y a la fameuse tétralogie de La Havane, Les Quatre Saisons, Passé Parfait, Vent de Carême, Electra La Havane et L'Automne à Cuba. Et puis, j'en cite d'autres, Mort d'un Chinois à La Havane, Adios Hemingway, on parlera d'Hemingway, L'Homme qui aimait les chiens, je viens de le mentionner, et Hérétique aussi, et on reviendra sur ce titre très beau. Alors, vous venez de publier, c'était l'année dernière, je crois qu'on attend le prochain qui sera traduit l'année prochaine en France, le prochain Padura. La prochaine novela, si, debe salir el año próximo, ¿no? Oui, le prochain roman devrait sortir, devrait être publié l'année prochaine. Voilà, sur une vierge, una virgen. Sí, hay una virgen que atraviesa la historia. Oui, il y a une vierge, en effet, qui traverse l'histoire. Esto porque todavía quedan vírgenes. Parce qu'il reste encore des vierges. C'est une bonne nouvelle. Leonardo Padura, ceux qui désiraient arriver est publié chez Métellier, hein, comme le reste de votre œuvre, donc traduit par Elena Zayas, qui est à nos côtés aujourd'hui. Alors, c'est un recueil de nouvelles qui a la caractéristique d'avoir été écrit, en fait, entre 1985 et 2009. Et donc, ils sont autant l'œuvre du jeune journaliste qui officiait hein, à La Havane, que celle du père de Mario Conde. Et dans ce recueil, par lequel j'aimerais qu'on commence, on retrouve évidemment de nombreux fils et de nombreuses obsessions hein, que vous nous offrez de livre en livre, à la fois les espoirs d'une génération qui a grandi avec les promesses de la révolution cubaine, et puis qui vit peut-être aujourd'hui avec les souvenirs, peut-être les déceptions aussi de cette révolution, mais quand même quelques aspirations. Vous nous emmenez dans les vieux bars de La Havane, vous nous emmenez aussi, vous nous rappelez l'expérience un peu traumatique de la guerre en Angola. Et puis, vous nous livrez aussi un tableau de la jeunesse cubaine, assez désœuvrée. Et je voudrais qu'on commence par cette phrase qui ouvre le recueil, et qui titre d'ailleurs votre dernier livre, Ce qui désirait arriver, parce que c'est à la fois une phrase de Marc Aurèle, donc, mais c'est aussi un hommage à Salinger. Alors que vient faire à la fois l'empereur romain philosophe stoïcien, qui était Marc Aurèle, et puis Salinger finalement dans ce recueil, puisque c'était une inscription qui se trouvait derrière la porte de la chambre de Seymour et Buddy dans Franny et Zoé de Salinger. Sí, bueno, este es un libro que reúne, como tú dices, mi trabajo durante casi 20 años en el cuento. C'est vrai que c'est un livre qui réunit mon travail sur presque 20 ans au niveau des nouvelles. Y es una especie de muestrario de mis obsesiones. Et c'est un éventail de mes contributions. Ahí están, bueno, desde mis influencias literarias, hay algunos cuentos que los leo y veo que todavía tengo la sombra de Hemingway en la espalda. Et pour certaines nouvelles, je vois que derrière moi, il y a encore l'ombre de Hemingway. Y hay otros cuentos en los que siento que soy un escritor mucho más libre. Et dans d'autres nouvelles, je vois que je suis devenu un écrivain beaucoup plus libre. Y a través de los distintos asuntos que voy trabajando en estos relatos, creo que se hace una imagen posible de la vida cubana. Et je crois qu'à travers tous les thèmes que je traite dans ces nouvelles, on peut trouver une éventuelle image de la vie cubaine, de la vie cubaine. Y hay un elemento que creo que es importante en estos cuentos, y es que hay varios de ellos que están protagonizados por mujeres. Et un élément qui me semble important dans ce recueil, c'est que plusieurs des nouvelles ont pour protagonistes des femmes. Y es una manera que tengo yo de tratar de entender lo que ningún hombre puede entender, que es una mujer. Et c'est une façon pour moi de chercher à comprendre ce que aucun homme ne comprend, qu'est-ce qu'une femme. Y bueno, realmente me gusta mucho escribir cuentos, pero cada vez los escribo menos porque se me ocurren ideas de novelas. Et j'aime beaucoup écrire des nouvelles, mais j'en écris de moins en moins parce que j'ai de plus en plus d'idées pour écrire des romans. Y fundamentalmente en los últimos años he escrito novelas, algunas ya bastante extensas, como El hombre que amaba a los perros. Et principalement ces dernières années, j'ai écrit des romans particulièrement denses comme L'homme qui aimait les chiens. Pero creo que de todas maneras este es un libro muy personal. Mais je pense de toute façon que ce livre est très personnel. Porque si lo lees podrás tener una idea de el escritor que he ido siendo yo en los últimos 20 años. Parce que si on lit ce livre, on peut comprendre l'écrivain que j'ai été tout au long de ces dernières 20 années. Y hay algo que para mí es muy importante, y es que no me avergüenzo de ninguno de estos cuentos, ni de los más viejos, ni de los más recientes. Et pour moi, il y a une chose très importante, c'est que je n'ai honte d'aucune de ces nouvelles, ni des plus anciennes, ni des plus récentes. Parce que ça vous arrive d'avoir honte de certaines œuvres que vous avez pu écrire? Sí, hay veces que leo alguna página de uno de mis libros y digo, pude haberla escrito mejor. Oui, parce qu'il y a des fois, en effet, je lis certaines pages de mes romans et je me dis, celle-là, j'aurais pu l'écrire mieux. Y a veces leo alguna página de mis libros y digo, coño, qué bien escribía este tipo. Puis d'autres fois, c'est autre chose. Je lis une page d'un roman et puis je me dis, putain, qu'est-ce qu'il écrit bien, cet écrivain. Mais alors, vous ne m'avez pas répondu, Leonardo Padura, sur cette influence. Là, vous venez de citer Hemingway, mais Salinger, qu'est-ce qu'il vient faire là-dedans? Salinger si. Citant Marc Aurèle. Si, es que se me quedó Salinger detrás. Salinger es un escritor con el que tengo una afinidad especial. C'est que Salinger est toujours derrière moi. J'ai une affinité particulière avec lui. Porque fue un escritor que primero me produjo un enorme deslumbramiento. Parce que c'est un écrivain qui m'a d'abord produit un formidable émerveillement. empezó a hablarme de cosas que eran importantes para mí y que me afectaban. C'est lui qui a commencé à me parler de choses qui étaient importantes pour moi et qui m'affectaient. Y porque como escritor me provocó un sentimiento que creo que es muy sano en la literatura. Parce que je pense qu'il a provoqué chez moi, il a fait naître chez moi un sentiment qui me semble très important pour la littérature. Y es la envidia. La envidia en literatura es un sentimiento positivo. Et la jalousie en littérature est un, ou l'envie en littérature est un sentiment qui me paraît très important. Cuando uno lo mantiene en términos literarios, por supuesto. Quand on le maintient à un niveau littéraire, évidemment. Y entonces uno quiere esto competir con esos escritores. Et alors on veut rivaliser avec ces écrivains. Y en general yo sigo leyendo, releyendo a Salinger y encontrando motivaciones para yo escribir mis propios libros. Et je lis et relis Salinger pour y trouver des motivations pour continuer à écrire mes livres. Et de quoi vous étiez jaloux chez Salinger? Qu'est-ce qui vous rendait jaloux précisément, littérairement? Mira, hay un cuento que se llama en inglés For Esme with Love and Squalor, que yo hubiera dado cualquier cosa por escribir un cuento como ese. Il y a une nouvelle, je crois qu'il va falloir que tu me redises le titre. For Esme with, para Esme con amor y escualidez. Ah, yeah. For Esme with Love and Squalor. Pour Esme avec amour et fragilité. Que yo hubiera dado cualquier cosa por escribir ese relato. Leonardo aurait donné n'importe quoi pour avoir écrit ce livre, pour être l'auteur l'auteur de cette nouvelle. Porque Salinger sobre todo tiene la capacidad de crear unos personajes que son unos tipos absolutamente insoportables. Parce que Salinger a le don de créer des personnages qui sont absolument insupportables. Pero a la vez son extremadamente atractivos. Mais ils sont extrêmement attirants. Y creo que esa es una de las magias de la literatura, poder hacer de un personaje detestable un personaje entrañable. Et je crois que ça c'est la magie de la littérature, pouvoir faire d'un personnage détestable un personnage émouvant. Si hay un adolescente más odioso que Holden Caulfield, hay que mandarlo a hacer. Y sin embargo, The Catcher in the Rye es una novela que marcó la literatura del siglo XX. S'il y a un personnage d'adolescent qui est vraiment insupportable, c'est Caulfield de L'attrape-cœur. L'attrape-cœur. Et s'il n'avait pas été écrit, il faudrait absolument l'inventer. Et alors, une question quand même sur ce titre, hein, ce qui désirait arriver. Quand on lit ce recueil, on rencontre, très très beau recueil, on rencontre des personnages qui semblent avoir été totalement abandonnés par le destin. Parce que, évidemment, quand on dit ceux qui désiraient arriver, c'est eux, ceux comme ceux qui devaient, mais pas devaient arriver, ceux qui désiraient arriver. Comme si le destin avait une volonté propre. Y a par exemple un homme envoyé de force en Angola, un autre trompé par une femme qu'il n'aime pas, un ancien joueur de baseball frustré, de jeunes alcooliques qui sombrent dans la décadence, de l'ennui. On a l'impression que le destin, leur destin leur a échappé. Est-ce que l'homme, pour vous, Leonardo Padura, est l'acteur, au fond, d'une tragédie qu'il ne maîtrise pas? Ce sont peut-être les dieux qui décident, ou je ne sais pas qui. Mira, a mí hay algo que, en general, me produce una gran curiosidad, y es cómo se hacen las vidas de las personas. Ce qui éveille chez moi une grande curiosité, c'est en général comment se sont élaborées la vie des hommes. Yo no sé si el destino existe o la predestination, no lo sé, un orden supérieur, no lo sé. Je ne sais pas si le destin existe ou la prédestination ou un ordre supérieur, je l'ignore. Pero las vidas de las personas se hacen a veces de manera que son como tropezones que te van cambiando el rumbo que tú llevas. Mais la vie des hommes fait penser plutôt au fait que l'on trébuche assez souvent et que finalement on trouve son chemin. Pero creo que en general todos estamos siempre deseando llegar a algo. Je pense que tous nous désirons toujours arriver quelque part. Y cuando llegamos a ese algo, pues nos ponemos otra meta y deseamos llegar a algo más. Et quand nous arrivons, nous parvenons à ce que nous désirons, nous cherchons un autre but. Eso es lo único que nos permite superar lo que somos. C'est la seule chose qui nous permet de surmonter ce que nous sommes. Y darle un sentido al tiempo que vamos a tener en la tierra, el tiempo de vida que vamos a tener. Et donner un sens à la vie, au temps qui nous reste sur cette terre. Y hay una fuerza externa que siempre está actuando sobre nosotros. Et il y a comme une force extérieure qui joue toujours sur nous. Que en el presente se llama sociedad y en el pasado se llama historia. Dans le présent, cela s'appelle la société et dans le passé, l'histoire. Somos criaturas de la sociedad y de la historia. Nous sommes des créatures de la société et de l'histoire. Alors précisément, Leonardo Padua, est-ce qu'il n'y a pas quand même une donnée cubaine, disons plus qu'une atmosphère, mais une donnée cubaine, une donnée historique cubaine dans la façon dont vos personnages vivent? Je pense à l'une de ces nouvelles, dont le titre est « Destin, destination », en fait, vous jouez sur les deux mots, « Milan, Venise, Vérone ». Et en fait, il y a une conversation entre un Cubain et son collègue européen qui s'appelle Bruno, et je vous cite Leonardo Padura. Comme presque toute la vieille gauche européenne, fille romantique de mai 68, guévariste et pro-communiste, Bruno escamotait sa propre défaite historique en exigeant des autres, en particulier si les autres étaient cubains, qu'ils résistent stoïquement et dignement, qu'ils ne renoncent pas à leurs principes et perpétuent toutes ces consignes qui s'étaient peu à peu vidées de leur sens après d'autres défaites historiques. Même si une belle amitié les unissait, Bruno n'était pas disposé à accepter que pour un homme comme son ami, plus rien ne vaille la peine de résister. Mais Miguel se sentait trop fatigué et il s'avouait vaincu après avoir vu mourir tant de promesses et d'espoirs au point de ne même plus vouloir se battre. Il désirait seulement un endroit au monde sans grande responsabilité historique. Et c'est vrai que Cuba, pour les Européens, c'est cette petite île qui a porté une immense charge historique. Alors, est-ce que, au fond, l'homme de Cuba, en général, comme l'homme de Cuba, est-ce que c'est fondamentalement un homme désillusionné par ce sens de l'histoire dont vous nous parliez ? Siempre desde fuera de la arena donde están los toros, uno ve la corrida con una perspectiva diferente. Celui qui est à l'extérieur, qui est dans les rangs de l'arène, voit toujours la corrida d'une façon différente. Y a mí a veces me molesta mucho, a veces me resulta simpático ver cómo las personas tratan de explicarme a mí qué cosa es vivir en Cuba, qué cosa es ser cubano. Et parfois ça m'ennuie et parfois ça m'amuse de voir comment les gens tentent de m'expliquer ce qu'est Cuba. A veces unas personas que lo hacen desde una perspectiva de la izquierda, otros desde la perspectiva de la derecha, uno desde la supuesta información, otros desde la desinformación. Certains le font depuis une perspective de gauche, ces explications ils les donnent donc avec une perspective de gauche, de droite, ou bien selon les informations qu'ils ont. J'ai oublié la quatrième chose. Sí, de la izquierda a la derecha, la información, la desinformación. L'information, la désinformation, excusez-moi. Ça, on avait compris. Y el problema es esto, estar ahí en la arena como el toro. Le problème, c'est d'être là-bas dans l'arène comme le taureau. Y la vida en Cuba en estos años ha sido muy complicada, muy compleja. Au cours des dernières années, la vie à Cuba a été vraiment extrêmement compliquée. Y eso ha tenido una complicación adicional con el hecho de que hemos estado en el centro de la historia. La complicación adicional es que nous sommes retrouvés au centre de l'histoire. Si yo le pregunto a cualquiera de las personas que están hoy aquí o a muchos de los oyentes que nos están escuchando sobre particularidades de otros pequeños países latinoamericanos, seguramente me podrán decir muy poco. Si je demande à quelqu'un qui nous écoute en ce moment ce qu'ils savent de certains petits pays d'Amérique latine, certainement ils ne pourront pas m'expliquer grand-chose. De Cuba, todo el mundo sabe algo o cree saber algo. Mais sur Cuba, tout le monde sait quelque chose ou croit savoir quelque chose. Y la culpa la tiene Cuba, porque Cuba ha sido un país que ha estado muy desproporcionado en su relación con la historia. Et ça, c'est la faute de Cuba, qui a toujours eu une relation disproportionnée avec l'histoire. Nosotros, los que vivimos dentro de Cuba, muchas veces sentimos lo que yo he llamado el cansancio histórico. Nous qui vivons à Cuba, nous éprouvons souvent ce que j'ai qualifié de fatigue historique. Porque durante muchos años siempre nos han dicho, por ejemplo, iba a empezar un curso escolar y se decía, este curso escolar será histórico. Parce que souvent, au cours de ces années, on nous disait, va y avoir, on va créer un cours annuel, et on nous disait, il va être historique. Había una reunión de los técnicos de farmacia y era un congreso histórico de los técnicos de farmacia. Il y avait une réunion des techniciens en pharmacie ou des préparateurs en pharmacie et on disait c'est une réunion historique. Y por supuesto, cada vez que aparecía un dirigente de la revolución hacía un discurso histórico. Évidemment, à chaque fois que était présent un dirigeant de la révolution, ça ne pouvait être qu'un discours historique. Y creo que nos hemos cansado de tanta historia. Et je crois qu'on s'est fatigué de tellement d'histoires. Y que nos gustaría vivir en un país menos histórico y un poquito más normal en algunas cosas. Et je crois qu'on aimerait vivre dans un pays un peu moins historique et un peu plus normal au niveau de beaucoup de choses. Lo que ocurre es que la historia no nos deja tranquilos. Le problème, c'est que l'histoire ne nous laisse pas tranquilles. Y en los últimos años, Cuba ha seguido siendo el centro de acontecimientos históricos. Et au cours des dernières années, Cuba a continué à être le centre des événements historiques. Et ça continue d'ailleurs. Mais vous-même, finalement, Leonardo Padura, vous continuez à la porter dans vos nouvelles. Vous pourriez aussi choisir de laisser tranquille vos personnages avec la guerre d'Angola, par exemple. Or, c'est dans ce recueil aussi. Vous pourriez décider d'écrire des choses totalement déconnectées de l'histoire. Mais il semble que vous n'ayez pas envie de le faire. Non, yo no puedo desconectarme de la historia ni mis personajes lo pueden hacer. Non, je ne peux pas me déconnecter de l'histoire, mes personnages non plus. Porque yo como escritor me interesa hablar de una sociedad en evolución. Parce que moi, en tant qu'écrivain, ce qui m'intéresse, c'est de parler d'une société qui évolue. Esa sociedad en evolución tiene estas características de ser más histórica de lo necesario. Et il se trouve que cette société évolue avec une dimension historique plus grande que ce qui est nécessaire. Y no sé si eso es bueno o es malo realmente. Je ne sais pas vraiment si c'est bon ou mauvais. Pero el hecho de que cada acontecimiento que ocurre en la realidad y que yo trato de llevar a mis libros pueda ser un hecho histórico, eso crea una responsabilidad. Et le fait que chaque élément, chaque fait historique que je porte dans mes romans, justement, soit important, soit historique, ça me crée une responsabilité. A mí me da mucho miedo que a veces digan que yo represento a la literatura cubana. Eso es terrible. Ça me fait peur, c'est vraiment terrible quand j'entends dire que je représente la littérature cubaine. Yo malamente me represento a mí mismo. J'ai déjà du mal à me représenter moi-même. Yo estoy lleno de dudas, de preguntas, de incertidumbres. Je suis plein de doutes, d'incertitudes, de questions. Esto de miedos, de dolores, esto de faltas de seguridades. Mais aussi, je suis plein de peur, de douleur, de manque de sécurité. Por lo tanto, malamente puedo representar nada. Alors j'ai beaucoup de mal à représenter quoi que ce soit. On va continuer avec vous, Leonardo Padura, et aussi on va parler de votre vie d'écrivain, la façon dont vous travaillez. Je voudrais qu'on parle aussi de ce sentiment que j'aimerais nommer nostalgie, mais peut-être vous le refusez, ce sentiment, on en parlera. D'abord, on écoute votre premier choix musical. Vous avez choisi Vete de mi, bola de nieve. Qu'est-ce que c'est que cet air? Sí, has hablado de dos cosas que son muy importantes en mi obra y en mi vida. Vous avez parlé de deux choses qui sont très importantes dans mon œuvre et dans ma vie. La nostalgia y la música. La nostalgia y la musique. Yo tengo una gran nostalgia por los tiempos pasados. J'éprouve une grande nostalgie pour le temps passé. Sobre todo porque ya tengo 60 años y tengo mucha nostalgia por tener 20 años. Surtout parce que j'ai 60 ans et que j'ai pour une grande nostalgie, je voudrais avoir 20 ans. Y la música es para mí un elemento muy importante en mi vida. Et la musique est pour moi un élément très important de ma vie. Porque es importante para la vida de todos los cubanos. Los cubanos vivimos escuchando música. Parce que c'est un élément très important dans la vie de tous les Cubains. Nous vivons tous en écoutant de la musique. La mayoría de las veces sin quererlo. Y es que los vecinos nos obligan a oír música. La plupart du temps, sans le vouloir, c'est que le problème, c'est que les voisins nous obligent à écouter de la musique. Y además, yo tengo un trauma personal, y es que oigo música constantemente, me gusta mucho la música, pero no sé bailar. En plus, pour moi, s'il y a un traumatisme constant, c'est que j'écoute tout le temps de la musique, mais je ne sais pas danser. Porque además, en Cuba, hay un problema. Nada más que hay dos maneras de bailar. Parce qu'en plus, à Cuba, il y a un problème. Il n'y a que deux façons de danser. O bailas bien o bailas mal. O tu danses bien o tu danses mal. Y de los que bailan mal, los demás que bailan bien se burlan, se ríen de ti en tu cara. Et évidemment, ceux qui dansent bien se moquent de toi, se moquent de ceux qui dansent mal. Entonces, yo lo que me he convertido es en el melómano inmóvil. Et alors, je me suis transformé en mélomane immobile. Y por eso me gusta tanto el bolero, porque el bolero uno lo puede oír sentado tranquilamente. C'est pour ça que j'aime tellement le bolero, que l'on peut écouter tranquillement assis. Alors, on l'écoute tranquillement assis. Sí. Llenas todo de alegría y juventud y ves fantasmas en la noche de trasluz y oyes el canto perfumado del azul. Vete de mí, no te detengas a mirar las ramas muertas del rosal que se marchitan sin dar flor. Mira el paisaje del amor que es la razón para soñar y amar. Yo, que ya he luchado contra toda la maldad, tengo las manos tan deshechas de apretar que ni te puedo sujetar. Vete de mí, seré en tu vida lo mejor de la neblina del ayer cuando me llegues a olvidar. Vete de mí, bola de nieve. Donc c'est le boléro que vous avez choisi. Nous sommes avec Leonardo Padura, qui a publié Ce qui désirait arriver chez Metelier. C'est traduit de l'espagnol du cubain par Elena Zayas, qui est à nos côtés, qui est votre traductrice et qui vous interprète aujourd'hui. On est en direct de cet écho du marathon des mots à Toulouse, donc en direct sur France Culture. Vous parliez de la musique, Leonardo Padura, vous parliez de la musique, vous parliez du passé aussi. Juste une petite question sur cette nostalgie. Vous êtes l'auteur d'un livre dont le titre est « Le passé plus fort que l'oubli ». Juste une petite question politique toute simple. Quand Obama est venu à Cuba, il a appelé dans son discours, il a dit « voilà, le gouvernement cubain et américain vont se rapprocher », il a appelé à enterrer les vestiges de la guerre froide en Amérique. Comment vous avez pris ce discours, vous justement, l'auteur du « passé plus fort que l'oubli », quand on vous dit « faut enterrer les vestiges » Las relaciones entre Cuba y los Estados Unidos siempre han sido traumáticas. Las relaciones entre Cuba y los Estados Unidos han siempre sido traumáticas. No tengo que contarle a las personas mínimamente enteradas de los conflictos que hemos vivido a lo largo de estos años. Pas besoin de rappeler aux personnes, même les moins informées, tous les conflits que nous avons vécu au cours des dernières années. Por eso, cuando Raúl Castro y Barack Obama anunciaron que iban a empezar a conversar para restablecer relaciones, eso provocó una conmoción en Cuba. C'est pourquoi ça a été un vrai choc à Cuba quand on a appris que Raúl Castro et Barack Obama allaient se retrouver pour prendre des discussions, pour discuter et en vue de rétablir des relations entre les deux pays. Et mucha gente en Cuba pensó que no íbamos a ver el final de ese desacuerdo, de esa tensión entre Cuba y Estados Unidos alguna vez en nuestras vidas. Beaucoup de Cubains avons pensé que enfin nous allions voir la fin de toutes ces tensions entre nos deux pays. Y sin que nos hiciéramos amigos, esto empezamos a conversar y creo que eso es un principio importante en cualquier relación. Et sans devenir amis, nous avons commencé à échanger des propos et je pense que c'est important pour n'importe quelle relation. Y bueno, ya se sabe, se restablecieron las relaciones, se abrieron las embajadas, Obama visitó Cuba. Les relations diplomatiques, comme vous le savez, ont été rétablies. Barack Obama est venu à Cuba. Oui, mais sur cette question, Leonardo Padura, bien sûr, on a suivi les événements, mais sur cette question d'un président américain qui appelle les Cubains et son peuple aussi à enterrer les vestiges, vous qui nous parliez de nostalgie, enterrer les vestiges, c'est-à-dire enterrer les traces du passé. Or, je vous cite, par exemple, dans ce recueil, il y a une très très belle phrase, il y a une nouvelle où un homme voit le visage de sa propre femme qui devient de plus en plus flou dans ses souvenirs après 2 ans passés en Angola. Il y a aussi des personnages d'hommes qui semblent justement prisonniers du passé. Il y a cette très belle phrase, 12 ans ont passé, ou alors ils sont repartis en arrière et ils se sentent ballottés par le va-et-vient d'une vague qui ne le ramène pas au bord de la plage, mais qui ne l'emporte pas non plus vers la pleine mer. On sent que ce passé, parfois, il rend immobile. Pas immobile, mais il l'empêche de se projeter. Si, si. Bueno, con la visita de Obama a Cuba, esto se provocó, por supuesto, un gran revuelo internacional de mediático, ¿no? Avec la visite d'Obama donc à Cuba, il y a eu un grand écho au niveau international. Y Obama, una de las cosas que pidió en esa visita a Cuba fue esto, olvidar un poco lo que había ocurrido en el pasado. Et en effet, Obama a demandé lors de sa visite qu'on oublie un petit peu ce qui était arrivé dans le passé. De inmediato, esto se le dijo en Cuba que era imposible olvidar porque había muchas heridas abiertas. Mais on lui a tout de suite dit qu'à Cuba, c'était impossible d'oublier parce que beaucoup de blessures étaient encore ouvertes. Mais vous, comme écrivain, vous voulez oublier le passé? Le passé, c'est votre matière première d'écrivain. No, yo no quiero olvidar. Yo siempre digo que la memoria es mejor que el olvido. Non, moi je veux pas oublier. Je dis toujours que la mémoire est plus importante et meilleure que l'oubli. Yo creo que si el hombre olvida, esto pierde su esencia como ser humano. Je pense que si l'homme oublie, il perd son essence en tant qu'être humain. Y que las sociedades no pueden olvidar su pasado. Et que les sociétés ne peuvent pas non plus oublier leur passé. Hay que saber convivir con el pasado, pero no olvidarlo. Il faut savoir vivre avec le passé et ne pas l'oublier. El problema es que ahora los acontecimientos recientes, las declaraciones de Trump con respecto a las relaciones con Cuba, esto demuestran que no se puede olvidar el pasado. D'ailleurs, les récentes déclarations de Trump en ce qui concerne Cuba montrent qu'on ne peut pas oublier le passé. Demuestran que Obama fue un paréntesis que hizo como que viviéramos en un sueño. Tout cela prouve que les déclarations d'Obama ont fait comme une espèce de parenthèse, comme si on vivait dans un rêve. Et Trump nous a vuelto a colocar en la pesadilla. Et Trump nous a fait revivre le cauchemar. Porque en definitiva, lo que está proponiendo Trump no cambia nada. Parce que finalement, ce que propose Trump ne change rien. Mantiene lo mismo que existe, pero vuelve a la retórica. Parce que non seulement il maintient un état de choses, mais en plus il reprend une rhétorique agressive. Y yo creo que muchas de las personas que asesoran políticos, que asesoran a Obama, al final trabajan para el gobierno de Cuba. Je crois que finalement les conseillers de Trump finissent par travailler pour Cuba. Porque esto lo que hacen es reafirmar las posiciones del gobierno de Cuba a través de la política de Donald Trump. Parce que finalement, à travers la politique de Donald Trump, ils ne font que réaffirmer l'état des choses à Cuba. Alors, je l'ai rappelé, Leonardo Padura, vous avez commencé comme journaliste, et puis vous êtes devenu romancier ou nouvelliste. Vous avez choisi donc la fiction, au fond, pour parler de la société cubaine. Pourquoi la fiction serait-elle plus forte ou plus appropriée que le journalisme, au fond, pour parler de la société cubaine? No, yo creo que todo tiene o que todo debería tener su espacio. No, je pense que tout devrait avoir son espace propre. El espacio del discurso político es un espacio importante que tiene que existir. Le discours politique est un espace important qui doit exister. el espacio del discurso periodístico, el análisis periodístico tiene que existir también. Le discours journalistique doit exister également. Y hace falta también que exista el espacio para la imaginación, para la ficción. Et l'espace pour l'imagination et la fiction est également indispensable. Yo creo que el escritor tiene muchísimas responsabilidades. Je pense que l'écrivain a de multiples responsabilités. Una de esas responsabilidades es precisamente preservar la memoria. Et je pense qu'une de ses responsabilités, c'est justement de préserver la mémoire. Muchas veces los discursos políticos y los discursos periodísticos evaden determinados acontecimientos en cualquier parte del mundo. No estoy hablando solo de Cuba. Je ne parle pas seulement de Cuba, mais dans beaucoup de parties du monde, le discours politique, en réalité, le discours journalistique, tente à éviter certains thèmes. Y la sensibilidad del artista puede marcar uno de esos sucesos y entrar en la profundidad, en el drama humano que hay en uno de esos sucesos. Et dans ces événements, je pense que justement la littérature permet d'aller plus profond pour en parler. Por eso creo que es muy pertinente que exista un espacio para la ficción, para la imaginación, que crea otra verdad. C'est pourquoi je pense qu'il faut qu'il y ait cet espace pour la fiction, pour l'imagination, qui crée une autre vérité. No es la verdad de la realidad, pero es una verdad que muchas veces puede ser más real que la realidad. Ce n'est pas forcément une vision de la réalité, mais je pense que c'est parfois cette vision littéraire peut être finalement plus importante et plus réelle. Y te pongo un ejemplo. En los últimos meses, uno de los libros más vendidos en los Estados Unidos ha sido 1984 de Orwell. Et je te donne un exemple. Dans les derniers mois, un des livres les plus lus aux États-Unis a été 1984 de George Orwell. Una realidad ficticia imaginada por Orwell se convierte en la pesadilla de un país. Une réalité imaginée par Orwell se transforme en cauchemar pour un pays. Imaginée à partir de bases historiques pour Orwell, parce que c'était aussi quelqu'un qui avait vu de près certains mouvements politiques et certains phénomènes de dictature. No, en mi caso, siempre es a partir de bases históricas. Dans mon cas, je travaille toujours à partir de fondements historiques. Cuando yo escribo sobre la realidad cubana del presente, parto de una observación, de una reflexión, de un estudio de esa realidad. Quand je parle du présent cubain, je pars toujours d'une vision, d'une étude de cette réalité cubaine. Y cuando me voy al pasado, pues hago un estudio histórico de ese pasado que puede ser cubano o no cubano. Et quand j'écris sur l'histoire, je fais toujours une recherche historique sur le passé, un passé qui peut être cubain ou non. Yo soy muy respetuoso de la veracidad de los procesos históricos. Je suis extrêmement respectueux de la vraisemblance des événements historiques. Yo tengo la ventaja sobre el historiador de que lo que escribo son novelas, es decir, que mi verdad puede estar matizada por la ficción. J'ai un avantage sur les historiens, c'est que moi, en tant que romancier, je peux. Está matizada por la ficción. Je peux nuancer grâce à la fiction. Pero entiendo a la vez que debo ser respetuoso de la esencia de los procesos históricos. Mais je comprends aussi que je dois respecter l'essence des processus historiques. C'est drôle parce qu'il y a un de vos personnages dans une des nouvelles, il y a une vieille femme qui participe à un club d'écriture qui est pas très intéressant, hein, ce club d'écriture. Et puis à un moment, elle se met à écrire un texte qui est véritablement émouvant, poignant, qui est un véritable acte de littérature. Et lorsque l'instructeur de ce club de lecture lui demande comment elle a réussi cet exploit, elle répond qu'elle a produit ce texte qui est très bon parce que, dit-elle, il n'y a pas de fiction, tout s'est passé comme ça. Et après elle corrige, enfin, je m'en souviens comme ça. Donc au fond, vous semblez à travers cette femme, et c'est ce que vous venez de nous dire là, au fond c'est la réalité, la fiction existe-t-elle au fond quand vous écrivez vous, est-ce que le terme de fiction existe-t-elle quand on voit cette, ça s'est passé comme ça, je m'en souviens comme ça. Sí, es que la vida es el principal alimento de la literatura. La vie est le principal aliment de la littérature. Tú escribes, en el caso de la novela o el relato, escribes sobre personajes a los que le ocurren cosas. On écrit dans le roman comme dans la nouvelle sur des personnages à qui il arrive des choses. Y todas esas historias salen de dentro de ti. Et toutes ces histoires sortent de toi-même. Por vivencias personales, por lecturas, por historias que has escuchado. À cause d'expériences personnelles, de lectures, de choses que tu as vécues. El escritor se tiene que convertir en una especie de almacén de historias de vida. L'auteur se transforme en un espèce de magasin d'histoires de vie. Y tiene que empezar a buscar entre ellas las que necesita para construir una historia. Et parmi elles, il doit chercher celles qu'il va trouver pour construire une histoire. Y a mí me ocurre, a mí personalmente, me está ocurriendo algo que me pone un poco paranoico a veces. Et moi, il m'arrive une chose qui parfois me rend un petit peu parano. Y es que mi personaje de Mario Conde y yo cada vez nos parecemos más. Et c'est que mon personnage de Mario Conde et moi-même, nous nous ressemblons de plus en plus. Hace unos meses, estaba en un lugar y le empecé a contar a una persona una historia que tenía que ver conmigo, una historia mía. Il y a quelques mois, j'ai commencé à raconter à quelqu'un une histoire qui me concernait. Y cuando terminé, me di cuenta que le estaba contando una historia de Mario Conde. Et quand j'ai fini, je me suis rendu compte que j'étais en train de lui raconter une histoire de Mario Conde. Empiezo a sacar tantas cosas de mí para construir a Mario Conde que Mario Conde se ha convertido también en parte mía. Finalement, je sors tellement de choses de moi pour alimenter Mario Conde que le processus inverse est en train de se produire. Eso empieza a ponerme nervioso. Et ça commence à me rendre un petit peu nerveux. Alors justement, on va écouter votre deuxième choix musical, surprenant ou non. Vous avez choisi Strawberry Fields des Beatles. Pourquoi les Beatles et Strawberry Fields Forever? Voilà. Mira, cuando a una persona, y sobre todo es un joven, le prohíben algo, están diciendo prueba eso, prueba eso. Eh bien, quand tu vois, en réalité, quand on interdit quelque chose à un jeune, c'est comme si on lui disait essaye ça, justement. Y a nosotros en Cuba, increíblemente, a finales de los años 60, nos prohibieron oír a los Beatles. Et incroyablement, à la fin des années 60, à Cuba, on nous a interdit d'écouter les Beatles. No es solamente que no hubiera discos en el mercado, es que en las emisoras de radio, esto dejaron por varios meses o años, no lo recuerdo, de oírse a los Beatles. Et c'est pas seulement parce qu'il n'y avait pas leurs disques à Cuba, c'est parce que dans les émissions, dans les programmes radio, en fait, on ne les écoutait pas pendant plusieurs mois. Y de alguna manera, la gente logró hacer unos discos artesanales que se oían horriblemente mal, en los que era posible grabar otros discos. No sé cómo lo hacían. Et je ne sais pas comment ils s'y prenaient, mais en réalité, à Cuba, on a réussi à enregistrer des disques à partir de choses créées, enfin de disques créés. Y cuando yo tenía 12, 13, 14 años, oír a los Beatles era como una ceremonia de iniciación. Et quand j'avais 12, 13, 14 ans, écouter les Beatles, c'était comme une cérémonie d'initiation. Il n'y a pas qu'à Cuba, hein. Y sin entender lo que decían, a mí Strawberry Fields siempre me producía una imaginación. Et en plus, même sans rien comprendre aux paroles, Strawberry Fields m'a éclairé mon imagination. No entendía lo que decía, pero yo veía como las puertas del paraíso. Je ne comprenais pas ce qu'il se disait, mais c'était comme les portes du paradis qui s'ouvraient pour moi. Esa es la magia de la música, la magia del arte. Et ça, lo que puede hacer el gran arte. C'est la magie de la musique, de l'art, de ce que peut faire l'art véritable. Eh bien, on va écouter et on va voir si à Toulouse, les portes du paradis s'ouvrent devant le son des Beatles. Strawberry Fields Forever, c'est le deuxième choix musical de Leonardo Padura. Let me take you down. Standing all you see. tout Strawberry Fields Forever. Ce sont les Beatles et c'est le choix de Leonardo Padura. Nous sommes en direct du Marathon des mots à Toulouse avec l'écrivain cubain qui a publié toute son œuvre chez Métellier. Le dernier, c'est Ceux qui désiraient arriver. Et on en aura un, normalement, l'année prochaine. On va en dire quand même un mot. Je pensais que vous alliez choisir les Rolling Stones, Leonardo Padura, d'autant qu'ils ont joué à La Havane. C'est quand même étrange ce qui se passe. On en a parlé un petit peu tout à l'heure. On ne va pas reparler des événements d'Obama à La Havane, mais quand même, les Rolling Stones à La Havane, un film comme Fast and Furious, vous qui êtes scénariste aussi, à La Havane. Mario Conde, il peut encore vivre dans ce Cuba-là qui se déploie maintenant sous nos yeux, ce nouveau Cuba. Un año antes, Mario Conde no se lo hubiera imaginado, ni yo tampoco. Un an avant ces événements, Mario Conde n'aurait pas pu imaginer ce qui allait se passer, ni moi non plus. Pero de lo que sí puedes estar convencido es que ni Mario Conde ni yo íbamos a ir a ver a Rolling Stone. Mais sois certain que ni Mario Conde ni moi nous serions allés voir les Rolling Stones. Hay fidelidades que uno tiene que mantener hasta el final de la vida. Il y a des fidélités que l'on doit respecter jusqu'à la fin de sa vie. Y yo soy del equipo de los Beatles. Et je suis de l'équipe partisane des Beatles. Eso es como ser del Real Madrid y el Barcelona o esto. No se puede cambiar. C'est comme soutenir le Real Madrid, par exemple, ou un autre. Pero esto tiene que ver también con lo que hablábamos ahorita del destino y la historia. Mais cela a à voir également avec ce dont nous parlions tout à l'heure sur le destin et l'histoire. Cuando a mí me preguntan, bueno, ¿y qué va a pasar en Cuba en los próximos años? Moi, quand on me demande, mais qu'est-ce qui va se passer à Cuba dans les années à venir? Le tengo que responder. El año pasado no me imaginaba lo que está pasando este año. Je suis obligé de répondre. L'année dernière, je ne savais pas ce qui allait se passer cette année. Así que cómo es posible que trate de imaginarme lo que va a pasar dentro de 6, 7, 10. Comment voulez-vous que j'essaie d'imaginer ce qui va se passer dans 6 ans ou 10 ans? Afortunadamente, la historia nos da sorpresas agradables. Heureusement, l'histoire nous réserve parfois de bonnes surprises. Y yo creo que hay que disfrutar esas sorpresas agradables. Je crois qu'il faut profiter de ces bonnes surprises. Porque últimamente la historia está empeñada en darnos sorpresas desagradables. Parce que dernièrement l'histoire s'obstine à nous présenter des surprises fort désagréables. Ahora mismo en Europa se está viviendo con un nivel de tensión, de miedo muy complicado. Actuellement en Europe on vit un climat de tension extrêmement compliqué. Pero hay otros lugares como el Medio Oriente donde se vive la muerte cotidianamente. Il y a d'autres endroits comme le Moyen-Orient où on vit avec la mort de façon quotidienne. Y estamos viviendo en un mundo que va mal, un mundo que va mal. Et nous vivons dans un monde qui va très mal. Por eso digo que las sorpresas agradables que nos da la historia tenemos que disfrutarlas. C'est pourquoi nous devons savourer les surprises agréables que nous apporte l'histoire. Alors, vous nous avez dit, Leonardo Padura, que vous étiez de plus en plus, finalement, uni à votre personnage, Mario Conde, au point parfois de ne plus savoir ce qui lui est arrivé à lui et ce qui vous arrivait à vous. Juste un mot quand même sur le palmier et l'étoile qui racontait la peine hein, des émigrés cubains, mort d'un chinois à La Havane qui parlait de l'immigré, l'exil, la solitude, le déracinement sont des questions qui irriguent vraiment votre œuvre, qui sont au centre de votre œuvre. Vous êtes scénariste, vous avez notamment écrit Retour à Ithaque avec Laurent Cantet, vous avez vu votre 4 saisons à La Havane devenir une série. Vous auriez pu partir de Cuba. Je crois que votre frère était parti. Vous auriez pu partir. Qu'est-ce qui fait que pourtant, vous ne vous êtes jamais exilé? Il y a un de vos personnages qui dit « Je ne peux pas partir de La Havane et le pire, c'est que je ne sais pas pourquoi. » Pourquoi vous êtes resté finalement à Cuba? Bueno, es algo muy complicado de explicar, pero a la vez muy simple. C'est quelque chose de très compliqué à expliquer, mais en fait très simple. Yo creo que me quedé en Cuba porque soy cubano. Je crois que je suis resté à Cuba parce que je suis cubain. Porque además mi oficio es ser un escritor cubano. Parce qu'en plus, mon métier, c'est être un écrivain cubain. Y porque para ser cubano y ser un escritor cubano necesito de Cuba. Et pour être un écrivain cubain, j'ai besoin de Cuba. El contacto con una realidad que cambia aparentemente y esencialmente no cambia. Le contact avec une réalité qui change mais qui dans son essence ne change pas. Es importante, por lo menos yo lo siento importante para hacer mi trabajo. Je sens que c'est très important pour moi pour réaliser mon travail. Además, el contacto con las historias vivas de las personas que me rodean es muy importante para mí. En plus, le contact avec la vie des gens qui m'entourent est très important pour moi. Yo no me imagino escribiendo mi literatura en ninguna otra parte. Je ne m'imagine pas en train d'écrire ma littérature dans un autre endroit. Y pago muchos precios por vivir en Cuba. Et j'en paye le prix à de multiples reprises du fait que je reste vivre à Cuba. Mis amigos cuando yo salgo de viaje se ríen porque yo me llevo para Cuba cuando regreso una maleta llena de yogur. Mes amis se moquent de moi un petit peu, en rient quand ils voient que je reviens de l'étranger avec une valise pleine de yaourt. Porque en Cuba a veces hay, a veces no hay yogur. Parce que à Cuba parfois il y en a et parfois il y a pas de yaourt. C'est ça le prix à payer en fait. C'est le yaourt. Es uno de los precios. Yo escribí una crónica de Navidad el año pasado para un periódico español. C'est un des prix à payer en fait. L'année dernière, j'ai écrit une chronique pour un journal espagnol à Noël. En la que debía escribir sobre mis deseos para el año siguiente. Où je devais présenter les souhaits que je pouvais faire pour l'année suivante. Y después de hablar de los grandes deseos, estos que podemos tener todos, salud, felicidad, paz en el mundo. Et après tous les vœux que l'on peut toujours faire, la santé, la paix dans le monde, etc. Mi gran deseo era que hubiera yogur en la esquina de mi casa. Le vœu que je faisais, c'est qu'il y ait des yaourts au coin de ma rue. Mis amigos saben que soy una persona que vive obsesionado con el yogur. Mes amis savent que je suis quelqu'un qui est obsédé par les yaourts. No con la langosta, los camarones, no, con el yogur. Dans mon cas, c'est pas la langouste, les crevettes, etc. Non, le yaourt. Alors nous aussi, on a des désirs et des souhaits pour l'année prochaine. Je voudrais qu'on dise un petit mot sur ce prochain livre. Alors cette histoire de Vierge qu'on lira l'année prochaine, donc chez Métellier, votre prochain roman. Qu'est-ce que c'est le titre? Bueno, esta es una novela que ocurre en Cuba en el año 2014. C'est un roman qui se passe à Cuba en 2014. Sigo. Bien. Ocurre en Cuba en el año 2014 a partir de una investigación que hace Mario Conde porque a un amigo suyo le han robado varias cosas, entre ellos una virgen negra. C'est basé sur une enquête que réalise Mario Conde parce qu'un ami à lui a été cambriolé et parmi ce qu'on lui a volé, il y a une vierge noire. Y es una novela que trata de presentar cómo es la sociedad cubana contemporánea. Perdón. Es una novela que trata de presentar cómo es la sociedad cubana contemporánea. C'est un roman qui tente de présenter l'état de la société cubaine contemporaine. Pero a la vez trata de hablar del destino del hombre. Mais elle cherche aussi à parler du destin de l'homme. Y hay una línea que va retrocediendo en el tiempo. Et le fil conducteur en fait recule dans le temps. Y por eso yo le puse como título La transparencia del tiempo. Et c'est pourquoi j'ai choisi comme titre La transparence du temps. Yo sé que mi editora francesa me va a cambiar ese título. Je sais que mon éditrice française va changer le titre. Ella tiene esa mala costumbre. Elle a cette mauvaise habitude. Pero a pesar de eso yo la sigo queriendo mucho. Mais malgré tout, moi j'aime beaucoup ce titre. Eh bien merci Leonardo Padura et merci Elena Zayas pour l'avoir interprété. Donc ceux qui désiraient arriver, ça c'est disponible. Et on attend l'histoire de Vierge donc pour l'année prochaine, La transparence du temps. On va voir si Anne-Marie Métellier garde ou non ce titre. C'était le temps des écrivains. Christophe Naudibio recevait l'écrivain Leonardo Padura en direct de Toulouse dans le cadre du festival Le Marathon des mots. Réalisation Anne-Laure Chanel. Première diffusion sur France Culture le 24 juin 2017. Vous pourrez réécouter cette émission en ligne ou la télécharger durant un an sur le site franceculture.fr, rubrique Les Nuits de France Culture.